إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. أيها الإخوة، حياكم الله. فلا بد للعاقل أن يتلفطن لأمر مهم، ألا وهو عندما نوارى في التراب سيأتينا الملكان للسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن الله عز وجل إلي obligatoire pour nous de te réveiller à une situation qui est très importante. Et au moment où nous allons être dans notre tombe, les deux anges noirs et bloutés vont venir nous poser des questions. Qu'est-ce que tu as adoré dans ce bas monde? Qu'est-ce que tu dis sur l'homme qui vous a été envoyé? C'était quoi ta religion? فمن هنا إخوة الإسلام وجب علينا دراسة هذه الأسئلة وأجوبتها. Et partant de là, il est obligatoire pour nous d'étudier ces questions et leurs réponses. لأن هذه الأسئلة إخوة الإسلام تواجهنا عندما نوارى في التراب. Et parce que ces questions, frère en Allah Azza wa Jal, ils vont nous faire face tout de suite une fois qu'on est sur la terre. Une fois qu'on nous a enterrés, on est en face de ces questions. Et partant de là, il est obligatoire pour nous d'apprendre ces questions, leurs réponses, et de les mettre en application. Pas tout simplement l'apprentissage, mais la mise en application. فانظروا بارك الله فيكم هذه الأسئلة أسئلة امتحان خطير، امتحان خطير، ومع ذلك عندنا أجوبتها في الدنيا، مع أن المعروف أن أسئلة الامتحانات وأجوبتها لا تعرف قبل دخول قاعات الامتحانات. فهذا دل لك على عظم الأمر وخطورته. Et regardez بارك الله فيكم que ces questions qui sont une question pour un examen qui est un examen crucial et qui est un examen très fort. Alors que cet examen, ces questions, nous avons les questions et leurs réponses dans ce bas monde. Alors que ce qui est connu et ce qui est dans la coutume des gens, dans la connaissance des gens, c'est que les questions qu'on a pour les examens, n'importe quel soit l'examen, le bac ou autre, les réponses on ne les connaît pas. On les connaît une fois qu'on est installé devant la feuille de l'examen. Cela te prouve que la situation est énorme, qu'il est obligatoire pour nous de retrousser les manches et d'étudier ces questions que vont nous poser les anges et de les mettre en application. Wa inshallah takoun dirasatuna لهذه الأسئلة من خلال ما كتبه شيخ الإسلام والمسلمين المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة النافعة الثلاثة الأصول. Et notre étude pour ces trois questions cruciales et ces trois fondements principaux dans la vie de l'être humain, leurs études se fera à travers ce qu'a écrit le revivificateur des musulmans et de l'islam, qui est Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi. Donc cette risala qui est bénéfique, qui s'appelle les trois principes fondamentaux. Wa takun dirasatuna li hadihi al-risala bi sharhi imamin min a'immati ahli al-ilm fi asrina. ألا وهو سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فجيح جناته، لأنه شرح سهل وميسر ويحتوي على فوائد عديدة. Et l'interprétation de cette risala, on va la prendre à partir de l'interprétation de l'une des éminences de science à notre époque. Son éminence, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaws al-A'la, car son interprétation à cette risala est facile. Il y a beaucoup de points et beaucoup de règles à retenir dans cette risala. Et نبدأ بنبدة عن المصنف وعن الشارح رحمه الله. رحمهم الله جميعا. Et nous commençons avec quelques petites paroles autour de celui qui a écrit la risala, qui est Mohamed Ibn Abdullah, Cheikh Mohamed Ibn Abdullah, rahmatullahi alayh, et aussi un petit peu sur la vie de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh. Fa Cheikh al-Islam Mohamed Ibn Abdullah, rahimahullah, هو ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف من أوهبة بني تميم، فهو تميمي رحمه الله تعالى. Et donc Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdullah, comme vous avez entendu son il est le fils de Mohammed, le fils de Ibn Abdul Wahhab, le fils de Sulayman, le fils de Ali, de Mohammed, le fils de Ahmed, le fils de Rashid ibn Burayd, et le fils ibn Mohammed ibn Mushrif, et il fait partie de la tribu du Tamim. فهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. Il a fait une grande revivification de ce qui a été oublié de l'islam au 12e siècle de l'Hégire. ولد رحمه الله في بلدة العيينة في السنة الخامسة عشر بعد المئة والألف من الهجرة النبوية من البلاد النجدية. Il est né donc à Uyayna, dans son pays Uyayna, en l'an 1115 de l'Hégire. Donc il est dans la région de Najd. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وشرف ودين، فلقد كان أبوه عبد الوهاب عالما كبيرا وكان قاضيا في بلده العيينة، وجده سليمان عالم نجد في زمانه. Et il a grandi, Cheikh Mohamed Ibn Abdullah a grandi dans une maison d'honneur et dans une maison de religion. Son père était un grand homme de science, il était le juge aussi de la ville de Uyayna. Son grand-père était l'un des grands hommes de science de Najd à son époque. ولهذا حفظ الشيخ القرآن قبل بلوغ عشر سنين ودرس الفقه حتى نال حظا وافرا. Et c'est pour ça que cet imam a mémorisé le Coran à l'âge de 10 ans. Il a étudié la jurisprudence. Il a eu une grande part de cette science de la jurisprudence. وكان حاد الفهم حتى قال أبوه عنه لقد استفدت من ابني محمد فوائد من الأحكام. Il avait une compréhension très fine et très forte. Il était doué d'une grande intelligence, à tel point que son père, il a dit, j'ai profité et j'ai retenu de mon fils Mohamed beaucoup de points dans les lois. وقد كان رحمه الله كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث والفقه، ورزق مع ذلك سرعة الكتابة، فكان يكتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل ولا يكل. Et avec ça, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes, il lisait beaucoup dans les livres de l'interprétation du Coran, dans les livres de l'explication du hadith, dans la jurisprudence, et il avait une rapidité dans la lecture. Et il écrivait aussi rapidement, dans un seul assise, il écrivait beaucoup de choses, il remplissait un livre dans une assise, ou un cahier qui est plein de pages, sans se lasser et sans se fatiguer, rahimahullah. Rahila Sheikh Iddat Rahalat, Badan, les tahsil et l'ilm. Il a voyagé beaucoup pour avoir la science et pour acquérir la science. Il a eu beaucoup de chouyour. فكان فأخذ من عدة مشايخ ومن من أخذ عنهم محمد حياة السندي رحمه الله. Il a pris la science du hadith sur Mohamed حياة السندي رحمه الله عليه. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé à faire da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur son chemin l'émir Al-Saoud. Et tous les deux, ils ont pu propager la da'wa du monothéisme. et revivifier ce qui a été oublié de la sunna du messager alayhi salam et de la religion du messager alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de ses saintes miséricordes. Et il a beaucoup d'écrit, et parmi les, wa lahu kutub katira, talatat al-usul, kashf al-shubuhat, wa kulluha fi al-tawhid, wa kulluha fi al-amr al-muhim alladhi khuliqat min ajli al-bashariyya. Et il a beaucoup de livres concernant le monothéisme. Et il a beaucoup de livres, beaucoup de petits fascicules qui sont très faciles à mémoriser et à comprendre, qui amènent directement au but et qui sont écrits concernant le but pour lequel les humains sont ont été créés, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sharih al-risalati rahimahullah fa huwa Sheikh ibn Baz rahimahullah. العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. Et quant à l'interprétation que nous allons prendre de cette risala, il est celle du Cheikh عبد العزيز son éminence عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. Il est né au l'an 1330 de l'Égypte dans la ville de Riyad. ولد في ذي الحجة سنة 1330 بمدينة الرياض. وكان بصيرا في أول دراسته ثم أصابه مرض في عينيه عام 1346 وضعف بصره ثم فقده في مستهل المحرم عام 1350 رحمه الله تعالى. Quand il a commencé ses études, il voyait encore et après il a été atteint d'une maladie au niveau de ses yeux à partir de l'an 1346 et sa vue n'a cessé de faiblir. Et il a perdu complètement la vue en l'an 1350 de l'Égypte. بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض ولما بلز في العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام سنة 1357 هجرية ولم ينقطع عن طلب العلم حتى توفي ولم تشغله المناصب عن البحث والتدريس. Il a commencé aussi ses études très jeune. Il a mémorisé le Coran avant d'atteindre l'âge de puberté. Et il a été très assidu et très à l'apprentissage, il tenait à la demande de la science, et il a apprécié beaucoup d'hommes de science à Riyad, et comme il était très fort dans les sciences de la législation et dans la langue, il a été désigné comme juge en l'an 1357. Et avec ça, avec toutes les fonctions qu'il a occupées, il ne s'est pas arrêté de demander la science. Et donc jusqu'à la fin de sa vie, rahimahullah ta'ala. وكان له شيوخ كثير أخذ عنهم العلم وله كتب كثيرة وكان رحمه الله المفتي العام للمملكة العربية السعودية وكان رئيسا لعدة لجان وكان رئيسا للجامعة الإسلامية رحمة الله عليه رحمة واسعة. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a occupé beaucoup de postes. Et parmi les grands postes qu'il a occupés, il était le mufti d'Arabie Saoudite, le mufti général d'Arabie Saoudite, et le président du conseil de la recherche scientifique. Et il était avant ça le président de l'université de Médine. Fa rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Fa yaqulu al-imam al-mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad ibn Wahhab rahmatullah alayh fi risalatihi al-thalathah al-usul i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba' masail. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأداء فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Son éminent, le revivificateur, Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, a commencé sa risala comme ceci. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est de notre devoir d'apprendre quatre choses. La première, l'ilm, la connaissance. qui consiste à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et à connaître son messager alayhi salam, et à connaître l'islam avec les preuves. La deuxième chose, c'est qu'il est de notre devoir de mettre en application ce que nous avons appris. De mettre en application ce que nous avons appris. La troisième, c'est d'appeler les gens vers ce que nous avons appris, nous avons mis en application. La quatrième des choses à apprendre, c'est de patienter face aux persécutions dues à cet appel. Parce que quand tu vas appeler les gens, il est évident qu'il y a des gens qui vont te maltraiter, mal te parler, et là tu as besoin de patienter. Et la preuve de ce qu'ils rapportent, c'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction de cette sourate, nous dit, par le temps, l'homme est en perdition. C'est-à-dire l'espèce humaine est en perdition. Sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Et qui se recommandent mutuellement la vérité, et qui se recommandent mutuellement la patience. C'est ceux-là qui vont être sauvés. Shafi'i rahimahullah, il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas révélé comme preuve pour ses créatures que cette sourate, il aurait été suffisante. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit, dans son authentique chapitre, la connaissance passe avant la parole et avant les actes. Comme le prouve la parole d'Allah dont la traduction approximative nous dit ceci, sache qu'en vérité il n'y a de divinité et de digne d'être adoré plutôt qu'Allah et implore le pardon de ton péché. Il dit, rahmatullah alayh, Allah donc a commencé par mentionner la connaissance avant la parole et avant les actes. فيقول الإمام ابن باز رحمه الله هذه رسالة مهمة وتفطن أخ الإسلام أريد أن يثير انتباهك شيء عظيم أن في هذه الرسالة ستسمع فيها أكثر من 40 مع أنها رسالة صغيرة أكثر من 40 مرة الشيخ يقول والدليل قوله تعالى أي أن الرسالة كلها كما قال العلماء مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة ليس فيها رأي لأحد إنما هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم Et je veux que quelque chose attire ton attention, c'est que dans cette risala, malgré qu'il est petite dans les pages, mais grande dans les bénéfices qui se trouvent dans cette risala, plus de 40 fois ont été mentionnés et la preuve dit cela. C'est-à-dire que cette risale, cela te prouve que cette risale a écrite par ce grand cheikh et ce grand imam est une risale qui est basée tout simplement sur les preuves. Il n'y a pas l'opinion de quelqu'un. Il y a l'opinion de personne. Il est basé sur Allah a dit, le prophète alayhi salam a dit. Et là, c'est la majorité des écrits de ce grand imam, rahimahullah ta'ala. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة هذا أمر مهم يبينه لنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي كتب هذه الرسالة كان يعلمها للطلبة ولعوام المسلمين ويحفظها لهم لكي تستقر في قلوبهم وتكون عندهم قاعدة في العقيدة Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, elle dit, cette risala est très importante dans les croyances. Cette risala qu'a écrite Cheikh Abu Abdillah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ibn Sulayman, ibn Ali al-Tamimi, al-Hanbali, l'imam réputé, connu, le revivificateur de ce qui a été oublié parmi les emblèmes de l'islam au milieu du 12e siècle de l'Hégire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Et Cheikh Ibn Baz de dire que cet imam enseigner cette risala aux étudiants et aux communs des musulmans, il leur enseignait ses fondements, il leur faisait mémoriser ses fondements pour que ces fondements s'ancrent dans leur cœur, hein, et pour que ça soit une règle pour eux dans les croyances. Et ceci est très important, hein, on veut dire que c'est quelque chose de très important que de s'occuper, hein, et là, Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh nous montre comment cet homme s'occupait d'une chose qui est très importante, qui est les croyances. Il tenait à ce que les gens apprennent, il tenait à ce que les gens comprennent, et que la croyance authentique et les règles de cette croyance s'ancrent dans leur cœur, parce qu'il veut pour eux qu'ils soient sauvés. وكانت وفاته سنة 620 من الهجرة. Et sa mort de ce grand imam était au 1206 de l'Hégire. وكان مولده سنة 1115 من الهجرة وقد عمر رحمه الله 91 سنة. Et donc, puisque sa naissance, il est mort en 1206, sa naissance a eu lieu en 1115, comme le mentionnait ses chers Ibn Baz. Donc il a vécu 91 ans, rahimahullah ta'ala. فَكَانَ عُمْرُهُ 91 سَنَةً وَقَدْ كَانَ عُمُرًا مَلِيئًا بِالْخَيْرِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْإِرْشَادِ وَالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكِ. Et sa vie, rahmatullah alayhi, il était plein de bien, plein d'appels vers Allah, plein d'enseignements, d'orientation, et il a enduré, il a patienté pour tout ceci. يقول الشيخ ابن باز وقد انقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة وانتشرت دعوته في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول. Et Cheikh Ibn Baz de dire, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé beaucoup de gens, hein, et beaucoup de pays, et notamment l'Arabie Saoudite à cette époque, la péninsule arabique, parce que sa da'wa s'est propagée à travers la péninsule arabique, et au nord, dans Cham, et en Égypte, en Irak, en Inde, et un petit peu partout à cause des prêcheurs et des étudiants qui ont appris ces chers et qui sont partis dans ces pays. Sa da'wa a été une da'wa bénéfique qui a traversé les océans. Rahmatullah alayh. وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة تابعين له في الدعوة إلى الله. Et à cause aussi, le grand bienfait, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Mais à cause aussi des écrits qui ont été propagés. Ce qu'il a écrit a été propagé à cause de ses disciples et de ses alliés, de ses prêcheurs qui l'ont suivi sur cette da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَتْ دَعْوَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et sa da'wa رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, il était une da'wa qui appelle vers le livre et vers la sunnah avec la compréhension du pieux prédécesseur رَضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ. فهذه المسائل التي قال فيها اعلم رحمك الله انه يجب علينا ان نتعلم اربع مسائل. هذه المسائل يقول الشيخ ابن باز يجب ان يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. Et ces sujets, ces choses qu'il a dit ici dans le début de cette risala, et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa sainte miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Ceci, il est obligatoire pour le croyant et la croyante. Pour les petits et les grands, il est obligatoire de les apprendre. يقول الشيخ ابن باز فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء. الشيخ ابن باز نديغ لتخيما il faut qu'il apprenne, il faut qu'il ait une clairvoyance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il faut qu'il connaisse la religion d'Allah pour laquelle il a été créé. Et cette science qu'il doit acquérir, c'est le fait de connaître Allah, de connaître son messager et de connaître la religion de l'islam avec preuve. Et ça, c'est la première des choses qu'il doit apprendre. La science qui est le fait de connaître Allah, de connaître la religion d'Allah et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأول أمر يجب أن نتعلمه هو معرفة الله حق المعرفة. ومعرفة دين الله ومعرفة نبي الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله أن يتبصر العبد من هو ربه. الشيخ بن باز يدير le serviteur doit avoir la clairvoyance, doit savoir qui est son souverain. فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلقه وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك. Et donc le serviteur doit connaître son souverain, qui est le créateur, qui l'a créé, qui lui donne sa subsistance, qui le comble de ses bienfaits, et qui l'a créé, il a créé ceux avant lui, ceux qui vont venir après lui. Et il est le souverain des mondes. Il est le seul digne d'être adoré. Personne ne doit être adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni un ange rapproché d'Allah, ni un prophète envoyé, ni un jinn, ni un humain, ni une statue ou autre, rien ne doit être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul créateur et le seul qui donne la subsistance. بل العبادة يقول الشيخ بن باز حق لله وحده فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. Et donc certes, dit Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, l'adoration c'est le droit d'Allah uniquement. Il est le seul digne d'être adoré, le seul qui mérite qu'on l'adore. Il est le souverain des mondes. Il est ton souverain, ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Il est celui que tu dois adorer. يقول رحمه الله فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة من الآيات والأحاديث وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به وهو عبادة الله الذي قال عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, rahmatullah alayh, tu dois connaître ce premier sujet, cette première chose, qui est le fait de connaître ton souverain, ton prophète, ta religion avec preuve. Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et non pas avec l'opinion, non pas avec les paroles de tel et de tel, mais avec les preuves qui viennent directement du Coran et qui viennent du hadith du prophète alayhi wa sallam. Et ça, c'est la religion de l'islam. Hein, la religion qui était obligatoire d'y rentrer dedans et de te soumettre à cette religion et de la mettre en application. Et ça, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de laquelle il a dit, Azza wa Jal, dans cette traduction approximative, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Yaqulu al-Shaykh Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. يجب أن يفرد بالعبادة وأن تخلص له العبادة سبحانه وحده سبحانه وتعالى. الشيخ بن باز nous dit ça, l'adoration c'est l'islam et c'est le fait d'obéir à Allah et à son messager, et c'est le fait d'accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner, de délaisser ce qu'il a interdit Azza wa Jal. Il dit ça, c'est l'adoration pour laquelle il a créé les gens. C'est pour ça qu'il a créé les gens. Et il a ordonné tous les gens, sans exception, de lui réserver le culte exclusivement. Il est dit dans cette traduction, dans Sourate al-Baqarah, « Ô gens, adorez votre souverain. » Ça veut dire adorez-le en obéissant à ses ordres, en s'éloignant de ses interdits et en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala et en accomplissant la religion sincèrement pour Allah et en lui réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك يقول الشيخ حفظه الله أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. Il dit rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, en commentant de ce passage que nous avons lu au début, il dit, il fait partie de cela, c'est que tu connaisses ton prophète, qui est Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, le Hashimi, le Quraishit, le Mikwa et le Médinois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salam. Et que tu dois savoir qu'il est ton prophète, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là envoyé avec la religion de vérité et avec la religion vraie pour t'enseigner, pour t'orienter, pour que tu crois en lui et que tu crois qu'il est le messager d'Allah véridiquement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour les mondes, pour tous les mondes, les génies et les humains et qu'il est obligatoire de le suivre et de prendre sa voie. Et les détails de ce point vont arriver dans le troisième fondement bi'idnillahi azza wa jal. Wa yaqul al-thani al-amal bih. Al-oula al-ilm. Al-thani al-amal bih. Ay yaqul Sheikh al-Islam, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ay an ta'mal bi hadha ad-din min salatin wa sawmin wa jihadin wa hajjin وإيمان وتقوى فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له مخلوق لعبادة الله فعليك أن تعلم وتعمل به. Et Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, il dit deuxièmement, après la première, la connaissance, qui est le fait de connaître Allah, le messager d'Allah et la religion d'Allah avec preuve, il dit la deuxième c'est de le mettre en application. Ça suffit pas la connaissance. Et il dit rahimahullah Cheikh Ibn Baz, c'est que tu mettes en application cette religion. Tu accomplis la prière, tu jeûnes, tu combats sur le sentier d'Allah, tu fais ton pèlerinage, que tu aies la foi, que tu préserves les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'abstiennes de ce qu'il t'a interdit, que tu mettes en application l'islam pour lequel tu as été créé. Tu es créé pour être soumis à Allah. Tu es créé, tu es une créature qui doit adorer Allah. Donc tu dois apprendre l'adoration et la mettre en application. Tu dois apprendre ceci et le mettre en application. Wa yaqulu Sheikh Ibn Baz, fata'budu Allah wahda wa tuqima as-salat wa tuaddi az-zakat wa tasum Ramadan wa tahujj al-bayt wa tu'min billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yawm al-akhir wa bil qadar khayrihi wa sharrihi wa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tabir walidayk wa tasil al-arham ila ghayri dhalika fa ta'mal bima amaraka Allah bih wa tantahi 'amma nahaka Allah 'anhu wa tatruk al-ma'asi allati anta manhiy 'anha wa taf'al al-wajib التي أنت مأمور بها. الشيخ بن باز ندير et tu adores Allah, tu réserves le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu t'acquittes, et tu accomplis la prière, et tu t'acquittes de la zakat, et tu jeûnes le mois de Ramadan, et tu fasses le pèlerinage au lieu sacré, et tu crois en Allah, et tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, en l'au-delà, en le jour de la résurrection, et en l'au-delà, et en le destin bon et mauvais, et que tu dois aussi ordonner le bien, blâmer le mal, être obéissant à tes parents et entretenir les relations familiales et autres parmi les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Et tu dois t'abstenir de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et tu dois délaisser la désobéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et tu dois accomplir les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Al-amru al-thalith, الدعوة إليه. تعلمت وعملت فتدعو إلى ما تعلمته وعملت به، وهذا يكون بالترتيب، أولا العلم وبعدها العمل وبعدها الدعوة. La troisième, c'est le fait d'appeler vers ce que tu viens d'apprendre, vers cette religion que tu as appris. Tu apprends d'abord qui est Allah, quoi la religion d'Allah, qui est le messager d'Allah. Tu mets en application et après tu prêches, tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut que ça soit comme ça. L'or doit être comme ça. La science avant et après les œuvres et après la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas faire la da'wah sans science. Abadan. أبداً جامد لفي. يقول الإمام ابن باز رحمه الله أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. Il dit Cheikh ابن باز رحمه الله tu appelles les gens vers cette religion et tu conseilles les gens pour qu'ils soient droits dans cette religion. Et tu les orientes, tu leur ordonnes le bien, tu leur interdis le mal. يقول ابن باز رحمه الله هذه الدعوة إلى دين الإسلام. Il dit ça c'est la da'wa vers la religion de l'islam. يقول فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه. فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة. وهذا لا شك أخوة الإسلام أنه لا بد أن يكون عن علم ليس عن جهل، لا بد أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه وحسب ما يعلم. إيه الدين رحمة الله عليه سأسي لدعوة في غلغ رجون دي الإسلام. Donc il est du devoir de chaque musulman qu'il appelle vers Allah selon ses capacités et selon sa science. Tout un chacun, qu'il soit homme ou femme, il a une part de cette obligation de transmettre et d'appeler les gens, d'orienter les gens et de conseiller les gens. Mais il faut faire très attention à ce niveau-là, frère en Allah, Azza wa Jal. Ceci ne doit pas se faire avec ignorance. Abadan, ceci doit être basé sur une science obligatoire. وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. Il dit il faut qu'il appelle, Cheikh Ibn Baz dit il faut que la personne il appelle vers le monothéisme, vers la prière, vers le fait de préserver la prière, vers le fait de s'acquitter de la zakat, vers le fait de jeûner le mois de Ramadan, vers le fait de faire le pèlerinage selon les moyens, et vers le fait il doit appeler vers le fait d'obéir aux parents, d'entretenir les relations familiales, et vers le fait de délaisser les désobéissances. أما الأمر الرابع المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. أي إذا علمت وعملت ودعوت ستؤذى فعليك بالصبر. يقول الشيخ بن باز رحمه الله أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء. فقد يحصل الإنسان أذى، قد يتعب من المدعو وغيره من أهله وغيرهم، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il dit, le quatrième point qu'a cité Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, c'est le fait de patienter et d'endurer du mal qui va découler du fait de prêcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura des persécutions, il y aura des, la personne sera maltraitée, etc. Mais il doit patienter. Tu as appris, tu mets en application, tu prêches, il est évident que tu vas être éprouvé. Et Cheikh Ibn Baz de nous dire, rahimahullah, la personne doit patienter et endurer devant le mal qui va en découler. Car il se peut qu'il arrive que la personne subisse du mal. Car il peut se fatiguer et se lasser de celui à qui il fait da'wah, autre, parmi sa famille ou autre. Donc il est obligatoire pour lui de patienter et d'attendre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le croyant patiente pour sa foi en Allah. Il doit patienter Hein? Pour sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il doit endurer et subir. Il doit aussi patienter pour la mise en application de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait obligatoire. Tu dois patienter pour t'acquitter de la prière et pour faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Tu dois patienter pour délaisser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et tu dois patienter quand tu es sur le terrain de la da'wa ila Allah, quand tu appelles vers Allah et quand tu enseignes. Et tu dois patienter quand tu ordonnes le bien et tu blâmes le mal. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها. الشيخ ابن باز il dit il est obligatoire de patienter sur toutes ces choses. فالدين كله يحتاج إلى صبر. Il dit toute la religion a besoin de patience. صبر على دعوة الله وحده وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. إيه الدي رحمة الله عليه الشيخ بن باز il a besoin de cette patience, patienter quand tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Quand tu appelles, est-ce qu'on réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu patientes pour t'acquitter de la prière, accomplir la prière. Tu patientes pour t'acquitter de la zakat, pour jeûner, pour faire ton pèlerinage. Tu dois patienter pour, quand tu ordonnes le bien, tu blâmes le mal. Tu dois patienter pour ne pas tomber dans le péché et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et tu dois faire attention de ne pas t'en approcher. Tout ça, si tu ne patientes pas, tu risques de tomber dans le haram. Ou tu risques de délaisser quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire. Donc la patience, on en a besoin pour se soumettre à Allah et pour accomplir ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons besoin aussi pour s'éloigner des tentations et repousser les tentations. Hein? Et comme nous avons besoin d'un autre degré de patience qui est le fait de patienter devant hein, les malheurs que nous subissons. وَذَلِكِدَا وَعَلَيْنَا النَّصْبِرَا لِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَالنَّصْبِرَا عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ نُصَبِّرَ أَنفُسَنَا وَنَغْلِبْ شَهَوَاتِنَا أَلَّا نَقْعَ فِي مَحَرَّمَ اللَّهِ وَلَا نَقْرَبَ مَحَرَّمَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نَصْبِرْ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالله أمر نبيه بالصبر وهذا أمر لنا كذلك. Et aussi il est dit dans le verset, dans cette traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager alayhi salam de patienter. Il lui a dit patiente. Comment patienter les messagers doués de fermes résolutions? Et c'est un ordre au messager alayhi salatu wassalam qui est un ordre à nous aussi de patienter. Wa qala subhanahu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Et dans l'autre verset, ay asbir li hukmi rabbak فأنت تحت حفظنا ونراك فاصبر. Et dans notre verset il est dit patience jusqu'à ce qu'il arrive, ce qu'il leur arrive, le châtiment de ton souverain. Tu es sur notre vue et notre protection. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. Et dans notre verset, il est dit patiente. Et ta patience, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu arrives à patienter parce qu'Allah t'aide à patienter. Wa qala ta'ala innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Il est dit dans l'autre verset, certes les patients auront leur récompense sans compte. Hein? C'est-à-dire ils seront largement récompensés. Et la récompense dépassera ce qu'ils ont fait avec leur patience. Wa yaqul wasbiru inna Allaha ma'as-sabirin. Et dans notre verset, patientez car Allah il est avec ceux qui patientent. يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. Cela veut dire patienter sur dans l'obéissance à Allah et patienter pour délaisser la désobéissance et s'éloigner de la désobéissance et faites attention de ne pas être en divergence avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. والدليل على هذه المسائل الأربعة قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لا فيه خسر. يقول الشيخ ابن باز وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربعة ففي هذه الصورة العظيمة الحجة لهذه الأمور وهذا هو الدين كله. Et donc la preuve pour ces quatre choses à apprendre, c'est ce qui est dans le verset le temps par le temps, l'espèce humaine est en perdition. Cheikh Ibn Baz de nous dire cette sourate c'est la preuve pour ces quatre sujets. Cette noble sourate et cette grande sourate est une preuve pour ces sujets qui font partie de la religion. Et il dit ça c'est toute la religion. Ça c'est toute la religion. فَالدِّينُ كُلُّهُ إِيمَانٌ وَعَمَلٌ وَدَعْوَةٌ وَصَبْرٌ. Car la religion entière, c'est la foi, les œuvres et le fait d'appeler vers Allah et la patience. Ça, c'est la religion. Imanun bil haqq wa amalun bihi wa da'watun ilayh wa sabrun ala al-adafi. Et il dit, hein, une foi en la vérité, des croyances sur la vérité, une mise en application de cette vérité, un prêche et un appel vers cette vérité, une patience du mal qui peut en découler. Il dit rahimahullah, والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Il dit rahmatullah عليه, comme le montre le verset, et les gens tous en perdition, sauf ceux qui ont cru et fait bonne œuvre. أي الذين خرجوا من الخسران يقول الشيخ أي الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ de nous dire que toute l'espèce humaine, toute la descendance d'Adam est en perdition, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait exception. Sinon tous ils vont vers leur perte. Hein? Sauf ceux qui ont cru et fait bonne œuvre et qui se sont conseillés mutuellement la vérité et qui se sont conseillés mutuellement la patience. فَهَاُولَيْ هُمُ الرَّابِحُونَ وَهُمُ السَّعَذَاءُ. Et ceux-là, ce sont les gagnants, ce sont les heureux, les réjouis et les heureux, le comble du bonheur. وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ وَالْعَصْرِ وَهُوَ الصَّادِقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment sur cela en disant par le temps et il est le véridique azza wa jal même s'il ne fait pas le serment. ولكن فهو وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام. فالله صادق ولو لم يقسم لكن أقسم لكي يؤكد لنا هذا المقام وهذا الأمر العظيم. أن الناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودعوا إلى الله وتواصوا بالصبر. ها أي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment pour confirmer cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, même s'il ne fait pas de serment. Mais pour confirmer cette situation, comme quoi l'exception est faite tout simplement à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre et qui se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement la patience, qui prêchent vers Allah et qui endurent pour ça. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. الله سبحانه وتعالى il fait le serment, il jure avec qui ce qu'il veut parmi ses créatures. فلا احد يتحجر على الله. لا احد يتحجر على الله. Et personne doit s'opposer à Allah سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il fait le serment avec ce qu'il veut. فاقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك. لأن المخلوقات تدل على عظمته سبحانه وتعالى وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده. إذن الله سبحانه وتعالى a fait le serment avec le ciel, avec ses constellations. Hein? Il a fait le serment avec le ciel et ses constellations, le ciel aux constellations. Et il a aussi fait le serment par le ciel et ceux qui frappent la nuit. Hein? L'astre est appelé celui qui frappe la nuit parce qu'il apparaît la nuit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le serment avec le jour qui se lève. Et il a fait le serment avec Shams, le soleil, et avec le jour, et la clarté du jour. Et il a fait le serment avec la nuit qui couvre la lumière du jour. Et il a fait le serment avec Nazi'at. Nazi'at, ce sont les anges qui viennent arracher les âmes des mécréants au moment de la mort. Et il a fait aussi le serment avec Nashitat. Nashitat, ce sont les anges qui ont la fonction de venir prendre en douceur les âmes des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait le serment avec d'autres créatures. Car ces créatures prouve la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prouve comme quoi il est le seul digne d'être adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer aussi l'importance et la grandeur de ces créatures, ces grandes créatures et ces créatures majestueuses qui prouvent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme quoi il est le seul qui est digne d'être adoré. يقول وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها. Il dit quant à la créature, quant aux créatures, ils n'ont pas, toujours les paroles de Cheikh Ibn Baz en commentaire de ce passage, les créatures n'ont pas à faire le serment et à jurer qu'avec leur souverain. Non, à faire le serment qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de faire le serment avec le prophète, ni avec les statues, ni avec les vertueux, ni avec le dépôt, ni avec le Kaaba ou autre. يقول الشيخ ابن باز هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الشيخ ابن باز يقول هذا هو obligatoire aux musulmans car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit celui qui jure avec autre qu'Allah سبحانه وتعالى il a associé. Ceci est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est bonne, authentique. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, celui qui doit jurer qu'il le fasse au nom d'Allah sinon qu'il se taise. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله وأن تكون إيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. Et donc il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane de faire attention de ne pas jurer avec autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils doivent jurer ou ils veulent jurer, qu'ils ne fassent qu'avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. والشافعي قال لو ما انزل الله حجة على خلق الا هذه السورة لكفتهم. الشافعي هو الإمام المعروف المشهور أحد العلماء الكبار وأحد الأئمة الأربعة وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 150 للهجرة والمتوفى سنة 400. Et on arrive à la parole de l'imam الشافعي Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu comme preuve que cette sourate, ça aurait été, il aurait été suffisante. Shafi'i, c'est ce grand imam réputé dans la communauté. L'un des grands hommes de science de cette communauté. Il fait partie des quatre grands imams connus dans la communauté. Il s'appelle Muhammad ibn Idris, al-Shafi'i, al-Matlabi. Il est né en 150 de l'Hégire et il est mort en 204 de l'Hégire. يقول رحمه الله أي الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وفي رواية لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه الله عليهم لو فهم الناس هذه الصورة لكانت كافية لإلزامهم بالحق الذي أمر به الله سبحانه وتعالى ولألزمتهم فهمها وتدبرها والعمل بها ألزمهم بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم وترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع لا يمكن أن نسعد في الدنيا وأن نربح في الآخرة إلا بهذه الصفات الأربع إيمان عمل صالح تواصي بالحق وتواصي بالصبر فهذه صفة الرابحين ومن سماهم خاسر إخوة الإسلام فتمعنها قرأها جيدا وتأملها وتفكر فيها لأن كلام الله كما مر معنا عندما زرناكم أنزل لكي يتدبر ولكي يعمل به الإمام الشافعي هذه رحمه الله سي الله سبحانه وتعالى ديسون دو كو سي فيرسي سو كوم بروف إل أوغي تي سوفيزون ها Et dans une autre version, ces les gens ont médité cette sourate, il aurait été suffisante pour eux. S'ils ont médité, ils ont compris ce qu'il y a dans cette sourate, il aurait été suffisant pour que ils mettent en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait comme obligatoire. Et pour qu'ils se cramponnent à la vérité. Et pour s'acquitter de leur devoir vis-à-vis d'Allah. Et pour s'acquitter de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire, et pour délaisser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait illicite. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré dans cette sourate que ceux qui ont cru fait bonne œuvre, et qui se conseillent la vérité, et qui se conseillent la patience, ce sont ceux-là les gagnants. Et en dehors d'eux que ce sont les perdants. Et ça, c'est une preuve qui te montre comme quoi il est obligatoire de se conseiller la vérité. Hein? De se conseiller la vérité. Et de se conseiller, qu'il est obligatoire de se conseiller, et qu'il est obligatoire d'avoir la foi, et d'avoir la patience, et d'être véridique, et qu'il n'y a pas un chemin pour le bonheur, et pour le gain, et pour la réussite que ce chemin. Qu'on a eu ces quatre caractéristiques qui sont dans cette sourate, qui sont la foi, la croyance authentique, la bonne œuvre, bon, et hein, le fait de se conseiller le bien et de se conseiller hein, la vérité. Ce sont les caractéristiques des gens gagnants. En dehors d'eux, ce sont les perdants. يقول الشيخ ابن باز إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر الشيخ ابن باز nous dit une foi véridique en Allah et en son messager une bonne œuvre et le fait de se conseiller la vérité de se conseiller la patience وقال البخاري رحمه الله ها وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالقول بالعلم قبل القول والعمل والبخاري رحمه الله هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري من بخارى في الشرق الاقصى في اسيا هناك ولد سنه 194 للهجره في آخر القرن الثاني الهجري، ومات سنة 256 و 256 للهجرة في وسط القرن الثالث، كان عمره 62 سنة، وهو صاحب الصحيح وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة، رحمه الله رحمة واسعة. البخاري دي c'est Allah quand il a ouvert son, dans son authentique le chapitre, le livre de la science, il a ouvert par un chapitre, chapitre la science avant la parole et les œuvres. Il a preuve, il est dans le verset sage qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et repens-toi de ton péché. Il a commencé par la science avant la parole et avant les œuvres. Le Bukhari, c'est l'imam du hadith, le prince du hadith. C'est Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim, le Bukhari, il est de Bukhara, là-bas, en Asie. Il est né en 194 de l'Hégire. À la fin du 2e siècle de l'Hégire. Et il est mort en 256 de l'Hégire, au milieu du 3e siècle de l'Hégire. Il avait l'âge de 62 ans. 62 ans quand il est mort. Il est l'homme qui a écrit l'authentique. L'authentique de Bukhari, il est connu de tout le monde. Il a d'autres grands écrits qui sont énormes, qui sont bénéfiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. يقول قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة والله أعلم. الشيخ بن باز رحمة الله عليه دي الإمام البخاري دي chapitre la science avant la parole et les œuvres car la preuve dont le verset dit ceci, la traduction nous dit ceci, il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Cheikh Ibn Baz, il a dit, il a commencé avec la science avant la parole et avant les œuvres. Et donc l'être humain, il est obligatoire pour lui d'apprendre en premier et de mettre en application. Il est obligatoire pour lui d'apprendre sa religion et qu'il ait une clairvoyance sur sa religion pour que ses œuvres soient accomplies avec clairvoyance et qu'il soit basé sur des preuves. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et ici s'arrête le commentaire de Cheikh Ibn Baz de ce passage, inshallah. Et là aussi j'arrête. On a un arrivo, inshallah. Inda. تعليق الشيخ بن باز على هذا المقطع الذي قرأناه اليوم دوك نغيتي سي إن شاء الله pour aujourd'hui. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.